الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah et une explication du Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Puis l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, cite la parole d'Allah Azza wa Jal, en surat al-Tawbah, le verset 31. Ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Maryam, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé de n'adorer qu'une divinité unique. Nul ne mérite d'être adoré qu'elle, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, cette divinité, subhanahu amma yushrikun. Et Allah azza wa jal est au-dessus de ce qu'il lui associe. قال الشيخ الفوزان حفظه الله اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون لأن التشريع من خصائص الرب فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. Cheikh Al-Fawzan, Habibullah, explique quelques termes de ce verset. Lorsqu'ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ahbarahum, leurs rabbins, c'est-à-dire leurs savants, al-ahbar, wal-ruhban, c'est-à-dire les adorateurs. Arbaban, ils les ont pris comme des divinités. C'est-à-dire que ces savants et ces adorateurs que les juifs et les chrétiens ont pris comme divinités étaient leurs législateurs. C'est eux qui décidaient de ce qui était licite et de ce qui était illicite. Et parce que le fait de légiférer fait partie des spécificités du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui donc qui obéit à une créature dans les choses autorisées, dans les choses que celle-ci autorise et qu'elle interdit, alors il l'a pris comme une divinité. De même qu'ils ont pris Isa alayhi salam, lorsque Allah azza wa jalla dit, et le fils, le Messie, fils de Marie. C'est-à-dire qu'ils ont pris également comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Isa alayhi salam. Comment est-ce qu'ils l'ont pris comme divinité lorsqu'ils ont dit que c'est le fils d'Allah? Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ou d'autres disent que c'est Allah. Subhanahu amma yushrikun. Et Allah Azza wa Jalla est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et purifié de tout associé et de tout semblable. المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم كما عبد النصارى عيسى زعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى يتضمن إنكار ما فعلوه ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset au sujet des Juifs et des Chrétiens qu'ils ont demandé conseil aux hommes parmi eux, parmi les savants et les adorateurs. Et ils les ont obéi dans l'autorisation de ce qu'Allah a interdit et dans l'interdiction de ce qu'Allah a autorisé. Et dans cette obéissance-ci, à savoir dans le fait qu'ils ont obéi à leurs savants et à leurs adorateurs, dans les choses licites qu'Allah a interdit, dans les choses que ces personnes leur ont rendues licites alors qu'Allah les a interdites, ou dans les choses que ces personnes ont rendues interdites alors qu'Allah Azzawajal les a rendues licites. Ainsi, en les obéissant dans cela, ils les ont mis au même statut et à la même place que Allah subhanahu wa ta'ala, que le Créateur et le Seigneur, car parmi ses spécificités, Allah Azzawajal, des choses qui lui sont propres, le fait de rendre licite et d'interdire. De même que ils ont adoré, c'est-à-dire les chrétiens, ont adoré Isa, et ont prétendu que c'était le Fils d'Allah. Ils ont, par cela, abandonné le livre d'Allah, dans lequel il leur a ordonné de lui obéir seul et de l'adorer seul. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite cela dans ce verset, cite le fait que les chrétiens ont pris Isa alayhi salam comme une divinité en dehors d'Allah, Allah azza wa jalla cite cela afin de condamner ce qu'ils ont fait. Pour cela qu'Allah azza wa jalla clôture ce verset en purifiant, en se purifiant de toute forme de polythéisme et en rejetant tout associé et tout semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآيات للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. Le contexte de ce verset dans le livre du Tawhid, ou dans ce chapitre du Tawhid, de l'explication du Tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Ce verset prouve que parmi les sens du Tawhid et de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, il y a le fait d'obéir à Allah seul dans ce qu'on autorise, dans ce qu'il autorise et dans ce qu'il interdit. Et que celui qui prend une personne en dehors d'Allah et autorise ce qu'elle autorise et interdit ce qu'elle interdit, alors c'est un polythéiste. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on retient de ce verset. أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. Premièrement, on retient de ce verset que parmi les sens du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, il y a l'obéissance à Allah dans le fait d'autoriser et dans le fait d'interdire. Thaniyan, أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. Deuxièmement, que celui qui obéit à une créature dans l'autorisation de l'interdit ou dans l'interdiction de l'autoriser, il a alors pris cette créature comme un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela lorsque un des compagnons a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce que ces juifs et ces chrétiens adorent leurs savants, leurs rabbins et leurs moines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parce qu'ils ont autorisé ce qu'Allah a interdit et ils ont interdit ce qu'Allah a autorisé. Fatilka ibadatuhum lahum. Et c'est cela leur adoration vis-à-vis d'eux. C'est vrai que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, cite dans le deuxième point que celui qui obéit à une créature dans l'autorisation du haram, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, ou dans l'interdiction du halal, de ce qu'Allah a autorisé, alors il a pris cette créature comme un associé avec Allah. Thalithan, الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. Troisièmement, on retient de ce verset la réponse aux chrétiens dans leur croyance, que Isa est le fils d'Allah et qu'en réalité Isa alayhi salam n'est autre qu'un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on retient quatrièmement, rabi'an, tanzihullahi ani shirk. Quatrièmement, on retient de ce verset la purification d'Allah azza wa jal vis-à-vis du polythéisme. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله cite la parole d'Allah عز وجل dans le verset 165 de Sourate Al-Baqarah, la vache. Il dit Azza wa Jal selon le sens. Et parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, quand les injustes verront le châtiment, ils sauront anna al-quwwata lillahi jami'a, ils sauront que la force tout entière est à Allah, wa anna Allah shadidul adhab, et qu'Allah est dur en châtiment. قال الشيخ الفوزان حفظه الله من الناس فريق من الناس من دون الله أي غير الله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا أو الرغبة فيه كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له ولو يرى لو يعلم إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله لأن القدرة والغلبة له وحده. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله dit en expliquant les termes du verset ومن الناس et parmi les gens, c'est-à-dire une partie et un groupe des gens qui prennent des divinités en dehors d'Allah. Al-Andad, c'est-à-dire des semblables et des égaux. Yuhibbounahum, ils les aiment. Et l'amour, c'est le fait de vouloir ce que tu vois ou ce que tu considères vrai, et désirer ou souhaiter cette chose. Donc c'est vouloir ce que tu vois et ce que tu considères vrai, ce que tu considères bien à point, et ton désir et ton souhait de l'acquérir. Kahubillah, comme l'amour d'Allah, ces gens ont pris des divinités en dehors d'Allah et ils aiment ces divinités comme l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'ils aiment autant ces divinités qu'ils aiment Allah. Et l'amour, al-mahabba, qui est voulu ici, c'est l'amour qui implique l'humilité envers celui qu'on aime et la soumission à celui-ci. L'amour, qui est une adoration, cet amour qui ne doit être voué qu'à Allah Azzawajal, c'est l'amour qui implique l'humilité envers celui que tu aimes et ta soumission à celui-ci. Ainsi, ces personnes aimaient ces divinités en dehors d'Allah, et il faut comprendre le terme aimer, c'est-à-dire qu'ils éprouvaient de l'humilité envers ces divinités et qu'ils se soumettaient à celles-ci. وَلَوْ يَرَى Et si les injustes verront. Et quand les injustes verront, c'est-à-dire quand ils sauront. Quand ils sauront, إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ Au moment où ils constateront le châtiment. C'est-à-dire au moment où ils subiront le châtiment. أن القوة لله que la force entière est à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui est capable de toutes choses, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le dessus sur toutes choses, seul subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه وتعالى بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans ce verset l'état des polythéistes dans cette vie d'ici-bas et leur destinée et leur destination dans l'au-delà. À savoir que ces polythéistes ont pris des semblables et des égaux à Allah Azzawajal, qu'ils ont mis au même piédestal dans leur amour. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'état des croyants, de ceux qui adorent Allah Azzawajal seul, qu'ils aiment Allah d'un amour qui est plus grand que l'amour de ceux qui ont pris des divinités envers ces divinités, ou que cet amour des croyants est supérieur ou à l'amour de ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah vis-à-vis d'Allah. Car ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah, dans ce verset, est-ce qu'ils aiment Allah ou pas? Oui ou non? Oui. Yuhibbunahum kahubillah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Donc ces polythéistes aiment les divinités et aiment Allah. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des croyants, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Mais ceux qui ont cru aiment plus Allah. Et si on peut comprendre cela de deux façons, ils aiment plus, les croyants aiment plus qu'Allah, que les polythéistes n'aiment leur statut ou leur divinité, ou bien on peut aussi comprendre que les croyants aiment plus Allah que les polythéistes n'aiment Allah. لأن حب المؤمنين خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. Pourquoi l'amour des croyants est plus grand envers Allah? Car l'amour des croyants est pur. Il est exclusivement dédié à Allah. Quant à l'amour de ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah, il est partagé. Partagé entre Allah et leur divinité. ثم توعد هؤلاء المشركين. Puis Allah عز وجل a menacé ces polythéistes en disant que s'ils savaient le châtiment qu'ils subiraient le jour du jugement et la situation terrible et atroce à laquelle ils devront faire face, et le châtiment douloureux qui leur sera infligé de par leur association, et s'ils savaient également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui est capable de toutes choses, et c'est lui subhanahu wa ta'ala le seul qui a le dessus sur toutes choses, contrairement à leur divinité. S'ils savaient tout cela, ils se seraient abstenus de l'égarement dans lequel ils sont. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, لَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَصَوَّرُوا ذَلِكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ. Mais, ils n'arrivent pas à concevoir cela et à croire en cela. مُنَسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّهَا مِنَ النُّصُوصِ الْمُبَيِّنَةِ لِتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له أن يفرد. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. Le contexte de ce verset dans ce chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Le contexte est que ce verset fait partie des textes qui expliquent le sens du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Car ce verset prouve que celui qui prend une divinité en dehors d'Allah et qu'il aime cette divinité comme il aime Allah, alors il a commis le polythéisme. On retient donc que parmi les sens du tawhid, c'est d'aimer Allah Azza wa Jal seul, un amour qui implique le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, de s'humilier et d'être soumis à lui subhanahu wa ta'ala seul. Ma yustafadu min al-ayah. Awalan, anna min ma'na at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbati al-muqtadiyati lidh-dhull wal khudu'. Premièrement, on retient de ce verset que parmi l'essence du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, le fait d'aimer Allah seul, un amour qui implique l'humilité et l'obéissance. Car est-ce qu'on peut aimer d'un amour qui n'implique pas l'humilité et l'obéissance? Oui ou non? Oui. Un mari n'aime-t-il pas sa femme? Est-ce que c'est un amour autorisé ou interdit? Autorisé. Pourquoi? Car c'est un amour qui n'implique pas d'humilité et d'obéissance. C'est un amour qui fait partie des sentiments innés dans l'être humain. Donc un homme a le droit d'aimer son épouse, comme il aime sa mère, comme il aime son père. Mais le fait d'aimer en éprouvant de l'humilité et en se soumettant à la personne ou à la chose ou à la divinité, alors là, c'est un amour qui est considéré comme une adoration et toute adoration doit être vouée à Allah seul. Namah. Naam, tu leur obéis, pourquoi tu leur obéis? Pourquoi on obéit à nos parents? Hein? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne de leur obéir, à condition de ne pas leur obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que tu fais qui est appuyé par les textes, cela est autorisé. D'accord? Thaniyan, anna al-mushrikina yuhibbuna Allah shubban 'azima. ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها. Deuxième point qui est important que l'on retient de ce verset, c'est que les polythéistes aiment Allah d'un amour immense, mais cela ne les a pas fait entrer en Islam. Pourquoi? Car ils ont associé dans cet amour autre qu'Allah. Car ils ont associé dans cet amour autre qu'Allah. Thalithan, anna shirka zulm. Troisièmement, on retient de ce verset que le polythéisme est de l'injustice. Car Allah Azza wa Jal a qualifié ceux qui ont aimé les divinités en dehors de lui comme l'amour d'Allah. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Si les injustes savaient. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Donc, que l'injustice, que le polythéisme est une injustice. Bien sûr, les preuves dans le Coran sont nombreuses qui montrent que le polythéisme est une injustice. Mais parmi ces hadith, parmi ces versets à Afwan, il y a ce verset de Sourate Al-Baqarah. Et le verset le plus connu dans ce sens, c'est le verset de Sourate Luqman, « Inna shirka » Le polythéisme est une immense injustice. Quatrièmement, on retient de ce verset la menace qui pèse sur les polythéistes le jour du jugement. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي. Et il est rapporté dans le Sahih, selon, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens, son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الصحيح أي في صحيح مسلم حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه وحسابه على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب ما تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة ترجمة الكتاب والباب فاتحه، والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Dans le Sahih, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam Muslim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ses biens et son sang sont sacrés, c'est-à-dire qu'il est interdit de prendre ses biens et de le tuer en se basant sur ce qui apparaît de lui. Celui qui dit « La ilaha illallah », il est interdit de lui porter atteinte en prenant en compte ce qui apparaît de lui, à savoir le fait qu'il ait prononcé ces deux attestations. « وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » et son jugement revient à Allah. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui procédera à son jugement vis-à-vis de cette parole qu'il a prononcée. Et Allah Azza wa Jal le rétribuera en fonction de son intention et de sa croyance. Est-ce qu'il est possible qu'une personne dise « La ilaha illallah » sans y croire ? Oui. Comme cela a été le cas des munafiqin. Celui qui dit « La ilaha illallah » on prend en considération sa parole. Et Allah Azza wa Jal le jugera sur la véracité ou non de cette parole, sur la croyance qu'il avait de cette parole ou non, le jour du jugement. Quant à nous, nous n'avons pas à le juger. At-Tarjama, ici, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit, et l'explication de ce chapitre vient arrivera dans les chapitres suivants. At-Tarjama, ici, qui signifie la préface d'un livre. Et ce qu'a voulu dire ici l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est que l'explication de ce chapitre, le chapitre actuel dans lequel l'on est, qui est le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, que l'explication de ce chapitre va venir au fur et à mesure des autres chapitres qui vont suivre. Donc les chapitres qui vont suivre vont venir expliquer à chaque fois l'explication du tawhid et de la ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين، الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith qu'il n'est pas interdit de tuer une personne et de prendre ses biens, sauf quand deux points sont réunis. Le premier point, la parole « La ilaha illallah ». Le deuxième point, le fait de mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si ces deux points sont réunis, alors il est obligatoire de s'abstenir vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire de ne pas lui porter atteinte et de remettre son fond, ce qu'il cache à l'intérieur de lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est véridique dans son cœur, Allah azza wa jalla le récompensera par des jardins, c'est-à-dire du paradis. Et s'il était hypocrite, Allah Azza wa Jalla le châtiera d'un châtiment douloureux. Quant à cette vie d'ici-bas, nous devons juger selon ce qui apparaît de lui. Et bien sûr, lorsque Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit qu'il n'est pas interdit de tuer une personne et de prendre son bien que lorsque deux points sont réunis. Ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah parle de explique ce hadith et dans ce cas-là, mais il y a d'autres cas qui interdisent de tuer une personne et de prendre ses biens. Notamment lorsque la personne lorsqu'elle est chrétienne ou juive ou lorsqu'elle n'est pas musulmane et qu'il y a un pacte entre elle et les musulmans. Là, on parle de l'autorisation de tuer une personne ou de prendre ses biens en temps de guerre. Lorsque cette personne se trouve côté ennemi en temps de guerre, lorsqu'il y a un jihad. Dans ce cas, il était permis de la tuer car elle n'est pas musulmane et en plus, elle combat. C'est un qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a combien de sortes de non-musulmans? Il y a al-musta'man et al-muharib. Celui qui combat. Est-ce qu'il est raisonnable de dire non, tu n'as pas le droit de tuer un non-musulman, même si c'est ton ennemi dans une bataille? Est-ce qu'il est raisonnable de dire ça ou pas? C'est ton ennemi, il est là pour te tuer. C'est ton ennemi et ce n'est pas un musulman, donc il est de ton devoir de te défendre et de combattre. Donc il ne faut pas comprendre cette parole de Cheikh Al-Fawzan comme étant une personne qui ne dit pas la ilaha illallah ou qui ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, il est autorisé de le tuer sans prendre en compte les autres cas de figure dans lesquels il nous est obligatoire de respecter les pactes et les pactes qu'il y a entre eux et nous. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. Le contexte du hadith dans ce chapitre. Ce hadith fait partie des hadiths qui expliquent le mieux le sens de la ilaha illallah. À savoir que c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. ما يستفاد من الحديث أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que le sens de la ilaha illallah, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah comme statue, tombe ou autre. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل بها ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Deuxièmement, on retient de ce hadith que le simple fait de prononcer la ilaha illallah sans mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah, que cela ne rend pas sacré le sang et le bien, même si cette personne qui dit la ilaha illallah en connaît ses sens et la met en pratique, jusqu'à ce qu'il ajoute à cela la mécréance en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc cela prouve que la ilaha illallah, c'est à la fois attesté, mais aussi rejeté et nié, et que ce sont deux conditions ou deux piliers de la ilaha illallah. Thalithan, أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Troisièmement, le retien de ce hadith, que celui qui met en pratique le tawhid et applique la législation musulmane de façon apparente, il est obligatoire de s'abstenir vis-à-vis de lui, de s'abstenir de porter atteinte à sa personne ou à ses biens, jusqu'à ce que provienne de lui ce qui vient contredire cela. Sauf si cette personne fait une chose qui vient contredire le tawhid, dans ce cas, eh bien, ce sera au juge de se prononcer et de donner un jugement sur cette personne. Et ce jugement qui sera donné, il sera donné par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne ou par rapport à ce qui apparaîtra d'elle, à partir de ce qui apparaîtra d'elle. Rabi'an, wujub al-kaff 'an al-kafir idha dakhala fi al-islam ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Quatrièmement, qu'il est obligatoire de s'abstenir vis-à-vis des non-musulmans lorsqu'ils embrassent l'islam, même en temps de guerre, jusqu'à ce qu'apparaisse ce qui contredit cela. Même en temps de guerre, dans lequel il est autorisé de tuer, si ton ennemi dit « La ilaha illallah », tu dois t'abstenir. Tu ne dois plus lui porter atteinte. Même si ce qui pourrait être compris de cette parole « La ilaha illallah », c'est pour sauver sa vie. Et cela est arrivé à des compagnons. Lorsqu'il a voulu tuer un polythéiste, il a dit « La ilaha illallah ». Et ce compagnon l'a tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il a dit, que vas-tu faire de la ilaha illallah le jour du jugement? Que vas-tu faire de la ilaha illallah le jour du jugement? Que vas-tu faire de la ilaha illallah le jour du jugement? Et ce compagnon, radiallahu anhu, a dit, ô envoyé d'Allah, mais il a dit cette parole pour sauver sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, al-hala shaqaqta ala qalbi, est-ce que tu as ouvert son cœur? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour constater qu'il a dit cela pour sauver sa vie? Peut-être qu'il a dit cela en toute sincérité. Donc, il est obligatoire de s'abstenir de porter atteinte à un non-musulman lorsqu'il prononce les deux shahada même en temps de guerre. Khamisan, an al-insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunih. Cinquièmement, on retient de ce verset, de ce hadith, afwan, qu'une personne peut très bien dire la ilaha illallah, mais ne pas mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sadisan, an al-hukm fi al-dunya ala al-zahir, wa amma fi al-akhirati fa'ala al-niyyat wal-maqasid. Sixièmement, on retient de ce hadith que le jugement dans cette vie d'ici-bas est fait selon ce qui apparaît. Quant au jugement de l'au-delà, il sera fait selon les intentions et les buts. Sabi'an, hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaq. Septièmement, le caractère sacré des biens du musulman et de son sang Sauf pour une vérité. Illa bihaq. Sauf lorsque cela est pris avec la vérité. Quels sont les cas qui autorisent, dans lesquels les biens et le sang du musulman ne sont plus sacrés? Al-qatlu bil-qatl, al-nafs bil-nafs, la loi du talion, lorsqu'il tue quelqu'un. Hein? L'apostasie et al-fayyibuzani, et celui qui a commis l'adultère, celui qui a commis la fornication, alors qu'il est marié ou qu'il a déjà été marié. Ce sont trois causes qui autorisent au juge musulman d'appliquer la peine de mort sur une personne. Lorsqu'il tue une autre, lorsqu'il apostasie et lorsqu'il commet l'adultère ou la fornication en étant marié ou lorsqu'il a déjà été marié. Même si la personne s'est mariée il y a de cela 20 ans, 30 ans, et si 20 ans, 30 ans après, il commet l'adultère ou la fornication ou l'aïa d'Obéla, il est considéré comme un thayyib az-zani. Le sorcier, na'am. Mais il n'est pas cité dans ce hadith-là, mais effectivement, ça c'est trois exemples qu'on a donnés, mais bien sûr, il y a d'autres jugements qui autorisent au juge musulman d'appliquer la peine de mort sur une personne. Comme l'a fait le professeur Assalam sur ceux qui ont tué le berger qui les a nourris et qui a lorsque des personnes étaient venues se plaindre au professeur Assalam, était tombé malade car il ne supportait pas le temps de Médine, le climat de Médine. Le professeur Assalam leur a dit de se rendre chez un éleveur de chameaux et de boire du lait et de l'urine de ce chameau afin qu'il guérisse. Et lorsqu'ils ont guéri et qu'ils allaient mieux, de grâce à Allah Azza wa Jal bien sûr et à l'hospitalité de cet éleveur, ils l'ont tué. Et le professeur Assalam, lorsqu'il a appris cela, a ordonné qu'on leur coupe les mains, qu'on leur crève les yeux et qu'on les laisse mourir en plein soleil. Donc il y a des cas dans lesquels le juge musulman peut appliquer la peine de mort. Comme par exemple ceux qui sèment la turpitude sur terre. La dîna yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Lorsqu'une personne sème la turpitude sur terre, il est autorisé au juge, en fonction de son appréciation, soit de le tuer pour mettre un terme à son mal et pour protéger les gens de sa turpitude et de son mal. Ou yusallabu, ou de les crucifier. Ou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ou bien de couper leurs mains et leurs pieds, couper la main droite et le pied gauche, ou le pied droit et la main gauche. Ou bien qu'ils soient expulsés de la terre dans laquelle ils sèment la turpitude et le désordre. Et cela, bien sûr, est à l'appréciation du juge musulman. Et certains pays musulmans, jusqu'à nos jours, appliquent la peine de mort au trafic de stupéfiants. Quand vous vous rendez en Malaisie, par exemple, ou en Indonésie, dans la carte d'embarquement, il est clairement noté que tout trafic de drogue implique la peine de mort. C'est écrit en rouge. Donc, comme je l'ai dit, les exemples qu'on a donnés sont, les cas qu'on a donnés sont des exemples, mais il ne restreint pas les cas dans lesquels le bien et le sang du musulman ne sont plus sacrés. ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعدها بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. Et le sens de la parole de l'auteur et l'explication de cette interprétation est ce qu'il va suivre comme chapitre. C'est-à-dire que ce qui va venir après ce chapitre va expliquer le sens du tawhid et va éclaircir la signification de la ilaha illallah. Et il y aura dans les chapitres à venir l'explication de nombreuses choses parmi le petit polythéisme, parmi le grand polythéisme, mais également ce qui peut amener et ce qui amène à cela, c'est-à-dire au grand ou au petit polythéisme, comme l'exagération et les innovations que, et que le fait de délaisser cette chose font partie des conséquences et des implications de la ilaha illallah. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Puis l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab cite le chapitre du polythéisme et le fait de porter des anneaux ou des fils ou autres afin d'enlever un mal ou de le repousser. Et il cite la parole d'Allah Azzawajal dans Surat Az-Zumar, le verset 38, dans lequel Allah Azzawajal dit selon le sens, dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourraient-elles, c'est-à-dire ces divinités, retenir sa miséricorde? Dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, Allah me suffit. Et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui recherchent un appui. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه فإن التوحيد يعرف بضده. Le contexte de ce verset, ou العفو, le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Ce chapitre comporte des choses qui viennent contredire le tawhid. Quelles sont ces choses? C'est la recherche. C'est le fait de rechercher à ce qu'un mal soit enlevé ou soit repoussé, de rechercher cela en dehors d'Allah. Pourquoi cela est cité? Afin de mettre en garde contre ces gestes et contre ces faits. Car le tawhid est connu, ou l'on connaît le tawhid par son contraire. On connaît également le tawhid par son contraire. Min ash-shirki min tab'idiyya ay min ash-shirki al-akbar in i'taqada anna hadhihi al-ashya tanfa'u aw tadurru bi dhatiha aw min ash-shirki al-asghar in i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-darr. Al-halq al-halaqa kullu shay'in mustadir wa nahwihima من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله أفرأيتم أخبروني ما تدعون تسألونه جلب الخير ودفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. Puis Cheikh Fawzan حفظ الله explique différents termes dans le titre du chapitre mais également dans le verset de Surat Az-Zumar. Quant au terme du titre du chapitre fait partie du shirk, min ash-shirk, min tab'idiyya, c'est-à-dire que c'est une partie. Ce qui va être cité fait partie du shirk. C'est une partie du shirk, ce n'est pas le shirk dans sa totalité. C'est-à-dire fait partie du shirk, fait partie du grand polythéisme si la personne considère que ces choses qu'elle utilise pour repousser un mal ou pour apporter un bien, s'il considère que ce sont ces choses en soi qui apportent le bien et repoussent le mal. Dans ce cas, il a commis un grand polythéisme. Ou bien, c'est du petit polythéisme, s'il considère que ces choses sont une cause pour avoir un bien ou repousser un mal. Donc celui qui porte des anneaux, des fils, des amulettes ou autres, il y a deux cas. Soit il considère que c'est cette chose qu'il porte qui le protège. Dans ce cas, c'est du shirk akbar. Ou bien il considère que c'est Allah qui le protège du mal et lui apporte le bien, mais que cette chose est une cause uniquement. Dans ce cas, il a commis du petit polythéisme. Al-shirk al-aswar. Al-halaqa, l'anneau, c'est toute chose ronde. Kullu shay'in mustadir. Wa nahwihima. Ou autre. Donc, fait partie du shirk le fait de porter des anneaux ou des fils ou autre, c'est-à-dire ou toute autre chose qui est portée ou qui est accrochée dans ce but, dans le but d'être protégé d'un mal ou de bénéficier d'un bien. Raf'u al-bala wa daf'uhu. Raf'u al-bala. Non. Donc, fait partie du shirk, le fait de porter des anneaux, ou des fils, ou des choses semblables, afin de d'éradiquer un mal après sa concrétisation, ou bien de repousser un mal avant sa concrétisation. Ces choses peuvent être portées soit pour enlever un mal qui t'a déjà touché. Et là, on parle de raf'ul bala. Tu enlèves un mal, c'est-à-dire après qu'il t'ait touché. Ou bien, daf', c'est le fait de pousser. Ou bien de repousser un mal, c'est-à-dire avant qu'il ne t'ait touché. Puis, Cheikh Al-Fawzan explique les termes du verset. Afara'aytum. Dit, voyez-vous, c'est-à-dire, informez-moi ce que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est-à-dire ceux à qui vous demandez le bien et ceux à qui vous demandez le fait de repousser le mal, en dehors d'Allah, c'est-à-dire parmi les divinités et les égaux. إن أرادني الله بضر si Allah me voulait du mal. Le mal ici, Cheikh Al-Fawzan dit, soit ça peut être une maladie, ou bien une pauvreté, ou bien une épreuve, ou bien une difficulté. هل هن كاشفات ضره ces divinités seront-elles capable de dissiper son mal, si Allah a décidé de t'éprouver par une maladie, par une pauvreté et autre. Est-ce que ces divinités pourraient enlever cette chose par laquelle Allah voulait t'éprouver? Ceci est une question qui signifie en réalité une affirmation. Peuvent-elles repousser son mal? La réponse est claire, c'est non. Donc ces divinités que vous invoquez pour avoir un bien, pour repousser un mal, elles ne sont pas capables de repousser un mal si Allah voulait que ce mal te touche. Et pareil, ou s'il voulait une miséricorde, birahma, une miséricorde, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire une bonne santé, d'être préservé, un bien, de bénéficier d'un bien, ou d'être épargné d'une épreuve. Également, ces divinités ne pourraient pas empêcher un bien qu'Allah te voudrait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azzawajal dit, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ. Dis au Muhammad, حَسْبِيَ اللَّهِ. Allah me suffit. C'est-à-dire Allah me suffit amplement. Et il suffit, et Allah suffit à tous ceux qui placent sa confiance en lui. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلابد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإن كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. Le sens général du verset. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de questionner les polythéistes en leur posant une question, su'ala inkar, une question qui vient en réalité condamner les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Sont-elles capables d'apporter un bien ou un mal? Ils seront obligés de reconnaître leur incapacité. Ils seront obligés de reconnaître l'incapacité de ces divinités à apporter un bien ou à repousser un mal. Et si ces divinités sont incapables, alors, de surcroît, l'adoration qui leur est vouée est nulle. L'adoration en dehors d'Allah qui leur est vouée est nulle. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. Le contexte du verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset la preuve de la nullité du shirk, du polythéisme. Et le fait de porter un anneau ou un fil ou autre fait partie du shirk. Ainsi, ces choses qui sont portées ne peuvent en aucun cas repousser un mal. ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعباده. Premièrement, on retient de ce verset la fausseté du polythéisme. Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne possède pas le pouvoir de faire le mal ni d'apporter le bien à ses serviteurs. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. Deuxièmement, on retient de ce verset la mise en garde contre le fait de porter des anneaux, des fils ou autres afin d'apporter un bien ou de repousser un mal. Car c'est du polythéisme, qui est de la même nature que ce qui était voulu des statues. Qu'est-ce qui était voulu des statues? Apporter un bien ou repousser un mal. Ces statues ne pouvaient le donner. Qu'est-ce qui est voulu dans le fait de porter des amulettes, des anneaux ou autres, c'est le fait d'avoir un bien et de repousser un mal. Donc la nature est la même, et cette même nature est fausse et nulle. ثالثاً, مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. Troisièmement, on retient de ce verset qu'il est légiféré de débattre avec les polythéistes afin d'annuler le polythéisme. Car Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète de dire à qui? Au polythéisme. Donc, d'engager avec eux un débat et un dialogue. رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. Quatrièmement, on retient de ce verset l'obligation de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'accrocher à Allah et de remettre toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de remettre toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, car il dit subhanahu wa ta'ala, wa alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. Et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui recherchent un appui. Donc tu dois remettre toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.